éblouissant, quoi. Eh bien, lisons-la. Aujourd'hui, c'est ce qu'il nous reste à faire. L'Enracinement, dont on parlait aujourd'hui, est disponible en folio aux éditions Gallimard. Et puis, l'ouvrage collectif que vous avez dirigé sur Simone Veil, Chantal Delsol, est disponible aux éditions du Cerf. On se quitte avec une autre géniale solitaire, Nina Simone, Nobody Knows When You're Down and Out. Once I lived the life of a millionaire, spending my money I didn't care, taking my friends out for a mighty good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. But then I began to fall so low, couldn't find no friends, had no place to go. If I ever get my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it till the eagle grins. Nobody wants you when you're down and out. In your pockets, not one penny, and your friends, you haven't got any. Just as soon as you get up on your feet again, here they all come, they say that they're your long lost friends. Oh, oh Lord, without a doubt, nobody wants you. Nobody needs you. France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous parlez de la parution d'un texte peu connu de René Descartes. Savez-vous, Adèle, ce que sont les météores? C'est un lien avec les météorites. Pas trop loin, ouais, c'est un rapport ou avec la météo. Le ciel. Ouais, c'est pas loin. Les météores, ce sont tous les phénomènes aériens sublunaires. C'est par exemple le vent, la neige, la pluie ou la météo, grêle. Donc, oui. Ou encore l'arc-en-ciel, météore du grec météoros qui signifie qui est en haut. Mais les météores, c'est aussi le titre que le philosophe René Descartes a donné à l'un de ses textes, peu lu et peu travaillé, qui traite précisément de ces phénomènes qui ont lieu sous la lune, mais au-dessus de nos têtes. Alors que nous dit Descartes à travers ces pages? Quelle pourrait être une philosophie des météores? Comment penser la pluie, la neige ou les arcs-en-ciel? Et comment ces pages nous disent-elles autre chose de ce philosophe d'abord connu pour sa métaphysique et son idée de maîtriser la nature, découverte de ce texte trop peu connu? Les prévisions par zone valables jusqu'à la journée de demain lundi. Pour Viking, vent de secteur ouest à sud-ouest 8 à 9, fraîchissant ouest 9 à 10 le matin, virant secteur nord-ouest. En fin de période avec de violentes rafales, la mer sera forte à très forte, croisée devenant grosse à très grosse. Pour Utsir, vent de secteur ouest à sud-ouest 7 à 8, fraîchissant 8 à 9 le matin, puis 10 en fin de période. Nous avons naturellement plus d'admiration pour les choses qui sont au-dessus de nous que pour celles qui sont à pareille hauteur ou au-dessous. Et quoique les nues, les nuages n'excèdent guère les sommets de quelques montagnes et qu'on en voit même souvent de plus basses que les pointes de nos clochers, toutefois, parce qu'il faut tourner les yeux vers le ciel pour les regarder, nous les imaginons si relevés que même les poètes et les peintres en composent le trône de Dieu et font que là, il emploie ses propres mains à ouvrir et fermer les portes des vents, à verser la rosée sur les fleurs et à lancer la foudre sur les rochers. Qu'est-ce qu'on est en train d'écouter, Géraldine? Ce son si étrange. Alors, ce son, c'est la musique des astres. Et sur cette musique, j'ai lu les toutes premières lignes en fait, des météores de Descartes. Et on l'entend tout de suite, magnifique. Le ton est donné. Ce qui se passe au-dessus de nos têtes, on en sait très peu de choses. Nuages, foudre, pluie ou neige. On en a plutôt d'abord une sensation, un sentiment. C'est de l'admiration, de la fascination, un peu de poésie et beaucoup d'imagination. Eh bien, il en est de même pour les philosophes. Le ciel les émeut, les inspire et leur fait aussi écrire les pages parmi les plus marquantes de leur philosophie. C'est par exemple Montesquieu et sa théorie politique des climats. C'est aussi Kant et sa nuit étoilée, tout autant morale qu'esthétique. Mais quelles connaissances les philosophes peuvent-ils avoir du ciel en tant que tel, sans se substituer aux scientifiques, ni faire œuvre poétique? C'est la question qui se pose à travers ces pages de Descartes. Qu'a-t-il voulu nous dire en nous parlant de cette nature? D'où viennent les vapeurs de l'air? Pourquoi les flocons ont-ils un cœur assez résistant pour ne pas fondre tout de suite? Pourquoi les éclairs de la foudre ne résonnent-ils pas tous avec la même force? Ce sont les questions que tente de résoudre Descartes, quelques-unes des questions qu'il tente de résoudre, en se positionnant ainsi comme un véritable philosophe de la nature. Observation, description des effets et recherche des causes, ce qu'il a en tête, c'est d'expliquer le plus simplement possible tous ces phénomènes sublunaires. Et ce qu'il veut, c'est rendre compréhensible tout le merveilleux des éclairs, des flocons, des tourbillons, sans pour autant les désenchanter. Autrement dit, ce qu'il fait, c'est qu'il écrit à la fois comme un scientifique et comme un poète. Et là est tout l'enjeu pour un philosophe s'attachant au ciel, le rendre lisible sans en perdre le charme. C'est sur le rêve érotique que je me fais les yeux ouverts. Sous le soleil, exactement, juste en dessous. Eau, terre, feu et air, ce sont les quatre éléments de la nature, forme et matière, actuel et potentiel, étendue, figure et mouvement, ce sont les concepts et couples de concepts auxquels Descartes a recours pour rendre compte des météores. Pas très charmant a priori, sans parler du fait que le philosophe lui-même n'avait pas fait grande publicité de ce texte-là par peur d'être condamné par l'Église et que ses confrères, Voltaire ou Bachelard plus tard, ont bien ricané de ces édifices imaginaires. Mais quand on lit corps terrestre, exhalaison, nu, feu qui s'allume en l'air, cercle ou couronne qu'on voit autour des astres, ou encore apparition de plusieurs soleils, soit quelques-uns des titres des différents discours qui composent ces météores, n'est-on pas frappé par la force et la précision de ces images? Je parlais la semaine dernière du talent d'écrivain d'un Platon capable de dramatiser les concepts clés de la philosophie en dialogue digne de grands dramaturges, et c'est ce qu'on a ici aussi, un récit naturaliste à la fois limpide et merveilleux, rigoureux et capable d'exciter l'imagination. Merci Géraldine, c'est noté, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Marie Simon, Sharon Houry, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, à la prise de son aujourd'hui Clément Daté et Alexandre Dang. On se retrouve demain pour un Profession philosophe. Demain, on vous proposera de redécouvrir l'émission en compagnie de Michel Serres qui avait été enregistrée en septembre 2018. Et nous serons ravis de saisir cette occasion de rendre hommage à Michel Serres. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et ce, tout l'été. Rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux, hein. L'équipe des Chemins de la Philosophie anime aussi un compte Instagram, un compte Twitter et un compte Facebook, autant de moyens de nous joindre et de discuter avec nous. À demain, 10h donc, nous on sera là. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.